mal éclairée, avec vue sur l'automne, même au cœur de l'été, une pièce palace, une pièce palace. Jouer du casou en la demeure péril, quand les voisins crient au fou, une pièce palace, une pièce palace, une pièce banale, où trône un vieux fauteuil de camping un peu bancal, mais qui fait bon accueil. Une pièce percale, l'habitude est tenace, lorsque la faim tiraille, conserver but à gaz. Une pièce palace, une pièce palace, une pièce impasse, serait perdre la tête. Une pièce palace, une pièce rempart, une pièce poussière, une pièce sans gloire, une pièce palace.